enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fajette Nancy 94.2. Daniel en votre compagnie, Yves à la technique, pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Alors la programmation de ce jour comprend des Ocantilly, bon ça c'est l'habitude, une balade autour du mot voyage et une évocation d'un pays asiatique. Aujourd'hui, ça sera le Laos, et puis trois coups de chapeau à Dominique A. Place au Zouk. Expérience 7 est un groupe guadeloupéen créé en 1976. 6 musiciens et 2 leaders au chant. 8 Houlier et au chant. Yves Honoré à la guitare. C'est un Zouk pas tout jeune, un Zouk de 1987. Goût de joie, expérience 7. Thank you. premier coup de chapeau à Dominique A. Dominique A est un auteur, compositeur, interprète français, qui est considéré comme l'un des fondateurs de la nouvelle scène française dans les années 90. Le temps qui passe sans moi, Dominique A. Des visions à foison s'incrustent dans mes yeux. Je ne sais plus où donner du regard. Au dehors, il y a cet enfant et ce vieux chien qui dort. Il y a ce chantier et ces grues. Au milieu, il y a tant de choses qui repoussent la mort, d'images qui saisissent et rendent presque heureux. Souvent, je n'ai besoin que d'un vieux chien qui dort, d'une image à sauver. Viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Je ne savais pas quoi faire, on m'a si peu appris. Un jour j'ai regardé dehors et j'ai compris. Un jour j'ai regardé et pensé ça suffit. Mes yeux me suffiront pour sentir que la vie circule. Et même si je ne suis pas dedans, si je suis en dehors ou juste au bord du plan, il y a tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Il y a tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Voyage musical au Laos. Le Laos est un pays, petit pays d'Asie, d'Asie du Sud-Est, traversé par le Mékong et réputé pour son terrain montagneux, son architecture colonialiste française, ses campements de tribus, ses collines et ses monastères bouddhistes. Population du Laos, 7 millions d'habitants, avec comme capitale la ville la plus peuplée, Vientiane, qui compte 800 000 habitants. Les pays voisins sont le Vietnam, le Cambodge, la Birmanie, la Thaïlande et la Chine. Chanson laotienne. เคยมีใครมาต้องตัว

ouverture d'émission tout à l'heure, vous avez eu droit à un zouk de 32 ans. Eh bien, on va équilibrer. Voilà maintenant un zouk tout nouveau qui vient de sortir. Dis-moi que tu m'aimes, Chanel Lawson. Deuxième coup de chapeau pour Dominique A. En 1995, il fut nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation masculine de l'année. Dominique A, au revoir mon amour. Ça fait bientôt une heure que tu es arrivé. Que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler. Et soudain il arrive et vous vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. C'est une autre aujourd'hui qui s'avance vers moi, c'est une autre et c'est toi qui me passe à côté. C'est un nouveau visage dont les yeux sont fermés, qui ne veut pas me connaître ni m'aimer. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À ne pas me voir, où es-tu? Te prépares-tu chez toi à ne pas me rencontrer, ou bien à m'ignorer? Où es-tu? À plus tard mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. À plus tard mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À plus tard mon amour, nous avons tout le temps, je ne suis pas pressé. Peut-être mon amour, mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer. Notre voyage musical au Laos. Les sites à ne pas manquer au Laos. Alors, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des noms bizarres hein, dans ces commentaires. Alors, la ville de Luang Prabang, capitale du royaume de Lanoxang, jusqu'en 1946, et cette ville est enchâssée dans un environnement montagneux difficile d'accès. Et puis, on ira au village de Vang Vien, qui est une véritable baie. Des pas de sucre dominent le paysage et lui donnent quelque chose de surnaturel. Wat Sayaphum, le plus ancien temple et le plus vaste de la ville de Savanakhet. Les grottes de Bouddha, découvertes, c'est pas si vieux ça, découvertes en 2014 par hasard par Bun Nong, un homme qui chassait la chauve-souris pour se nourrir. Quand il a escaladé une falaise de 300 mètres de haut qui surplombe le Mekong et située en amont du fleuve, il a trouvé des grottes. Et l'entrée de ces grottes est tout simplement magistrale au beau milieu d'une jungle luxuriante. C'est avant tout un site religieux qui présente une profusion de statuettes présentant Bouddha dans toutes les positions. Et on recense à peu près 4000 effigies. Et puis, toujours au Laos, on pourra demander à se faire tirer l'oracle en faisant sortir d'un panier une baguette numérotée et selon ce qui est sorti, un des papiers numérotés éclaire alors sur le futur plus ou moins proche, tout en philosophie et en sagesse. Et puis on trouvera également de nombreux sites à découvrir encore au Laos, chanson laotienne. พระเอกในหัวใจนางได้บอกแอวบางหากแม่นใจนางวางเบาจะคอยเอาใจบอกให้มีความมองเศร้าจะหับใสทุกแรงทุกเศร้านักเบาให้เจ้าสั่งมาถ้าเป็นพระเอกในหัวใจนางเสื้อบอกแอวบางจะหากนวลนางเข้าฟ้ายามกินจะป้อนยามนอนจะกล่อมขวัญตาขอเพียงน้องนางสั่งมาขวัญตาจะได้ทุกอันหากแม่นสมหวังเหมือนดังใจคิดตราบสั่วชีวิตบ่มีเปลี่ยนพันมอบใจมั่นคงซื่อตรงต่อกันส่วนนี้ในลันหักมันจริงใจขอเป็นพระเอกในใจคนดีจนสู้ว่าสีวีอายนี้บ่มีใจใหม่จะหักแต่น้องเนื้อทองจนสีบมาลางยากจนจะทนสู้ไปขอเป็นพระเอกของนว่าชีวิตบ่มีเปลี่ยนพันมอบใจมั่นคงซื่อตรงต่อกันส่วนนี้นิรันดร์หักมันจริงใจขอเป็นพระเอกในใจคนดีจนสั่วชีวิตอายนี้บ่มีใจใหม่จะหักแต่น้องเนื้อทองจนสีบมาลางยากจนจะทนสู้ไปขอเป็นพระเอกของนาง Selancy, vous connaissez ? C'est une association française créée en 1990 et qui a pour but de soutenir les enfants atteints par le virus du sida ainsi que leurs familles. Extrait de l'album Selancy et interprété par le duo Calogero Elisa Tovati, on va partir en voyage. Partir en voyage, prévoyez dans vos bagages des plumes et des poils de rechange, quelques sandwichs et des oranges. On va partir en voyage, rendez-vous demain sur la plage. Sifflera la mésange, ce soir dormez comme des anges. S'il faut traverser l'océan, même si c'est grand,

voilà arrivé au moment où traditionnellement je demande à Yves, qui nous fait la technique, s'il a une petite faim. Alors, il sourit dans sa barbe, bien entendu. Oui, il a faim, ce stage-là, ça dévore. Mais je ne sais pas comment il fait, il grossit pas, lui. Ah oui. Donc je lui propose quand même d'aller au Laos. Le Laos offre l'occasion de faire de multiples expériences culinaires. Les Laotiens ont pris l'habitude de manger tout ce qui bouge. En effet, la population rurale, vivant loin des marchés, continue de vivre en grande partie de chasse et de cueillette, avec un goût avéré pour la viande de la forêt. Alors, ils consomment régulièrement des chauves-souris, des écureuils, des civettes, des serpents, des varans, mais aussi les rats des bambous mais des rizières, pas les rats des villes, hein, les rats des champs. La viande de chien est appréciée également, ainsi que les cigales et les sauterelles frites, le porc épic, le buffle et les larves. Bon, on peut pas dire quand même qu'ils en raffolent, mais il faut bien manger quand même. Hein. Cela dit, on pourrait également se délecter avec des spécialités moins exotiques. Le riz gluant qui se malaxe dans la main et que l'on trempe dans la sauce des plats. Le loap, salade composée de viande ou de poisson, assaisonnée de verre et de piment, servie avec du concombre et des herbes aromatiques. L'orlam, qui est un ragoût à base d'aubergines miniatures, de champignons gluants, de couennes de porc et de poules sauvages. La viande de bœuf séchée au soleil, puis grillée, à consommer seulement si on a de très très bonnes dents, parce que c'est dur. Hein. Et puis le faux, soupe de nouilles et viande en lamelles, avec des petits piments, de l'amande, des germes de soja, coriandre et basilic. Bon appétit, chanson laotienne. I'm not afraid to die. Ah, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins, les voyages Barbara. Ah, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, ah, les voyages, comme vous fûtes sage de nous donner ces images. Voyage, c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait, que c'est beau les voyages. Et le monde nouveau qui s'ouvre à nos cerveaux nous fait voir autrement et nous chante comment la vie vaut bien le coup malgré tout. Ah, jeunes gens, sachez profiter de vos 20 ans. Le monde est là, ne craignez rien, il n'est pas méchant, il vous guidera. Ah, les voyages qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvre au bonheur, mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits. Les voyages, tourne une page, oh les voyages. Je voudrais en profiter pour remercier Eric, le chauffeur de Andistan. C'est lui qui m'a proposé de faire cette balade autour du mot voyage. Voilà. Alors nous repartons au Laos. Et que va-t-on ramener du Laos ? La soie laotienne fait partie des soies sauvages, plus brutes et naturelles que la soie chinoise ou indienne. Des tissus muraux, des étoles, des foulards ou des vêtements traditionnels. Des sculptures en bois, des bouddhas bien sûr, ou des ustensiles de cuisine. Pipe à opium également, mais attention, c'est pour la déco, hein, bien sûr, c'est pas pour autre chose. Du riz gluant pour tremper dans les sauces, et du café de Bolovans, subtil mélange de Robusta et d'Arabica, un des cafés les plus réputés au monde, au goût légèrement grillé, chanson laotienne. ที่ท่านให้มาน้ำพังเมืองจันทร์นี่นะ สงสารนักของคนนี้ทุกท่านโอภาลีพร้อมไม่ตีสมปรารถนาที่เป็นดอกไม้พวงมาลัยหรือเงินดอลลาร์ที่ทานทุ่มสู่ให้มาจากสาบให้ขาดขอบใจแฟนต่างแดน USA ขอบใจหลวงป้าว่าทุกทั่วหน้าที่คอยเสริมส่งนามพังคนนี้ดีใจที่ท่านบ่ลืมลงสวยเสียให้พังดังส่งบ่ลืมลงสัวฟ้าสงสารนักของคนนี้ทุกท่านโอภาลีพร้อมไม่ตีสมปรารถนาที่เป็นดอกไม้พวงมาลัยหรือเงินดอลลาร์ที่ทานทุ่มสู่ให้มาจากสาบให้ขาดขอบใจแฟนต่างแดน USA ขอบใจหลวงป้าว่าทุกทั่วหน้าที่คอยเสริมส่งนามพังคนนี้ดีใจที่ท่านบ่ลืมลงสวยเสียให้พังดังส่งบ่ลืมลงสัวฟ้า La chanson qui va clôturer l'émission d'aujourd'hui est une chanson de 1986 et elle fut très vite certifiée disque d'or avec plus de 500 000 exemplaires vendus en 1987. C'est une chanson écrite par Jean-Michel Riva et Dominique Dubois et elle était à l'origine destinée à Michel Delpech. Mais celui-ci, pourtant en pleine traversée du désert, la refusa, et c'est Désirless qui en héritera. Voyage, voyage, Désirless.